parco. Oh, il fait chaud. Je ne sais pas où j'irai à l'île d'Oléron, à Canberra ou à Singapour. Je ne sais pas. Je sais.